circule sur une chaussée à double sens de circulation, comportant deux voies séparées par une ligne continue. Je ne peux ni franchir cette ligne, ni la chevaucher. La ligne discontinue à droite est une ligne de rive. Elle sépare la chaussée de l'accotement. Ce dernier étant réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules, je n'ai pas le droit d'y circuler. Ici, je renonce donc à dépasser. Réponse B et D.